Arrête de jouer. Tu ne sais plus jouer. James. Arrête de jouer. Il y a trop de touches. Tu n'as plus de doigts. Caché derrière ton écran. Tu te crois planqué à l'abri de regards. Sans discret. James. Joël te regarde derrière la tête. Le bar arrive. James. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Dans son temps. James. C'est pas fini. Arrête de jouer. Ce n'est qu'un jeu. James. Sois pas vénère. Ce n'est qu'un jeu. Mon petit bébé. James. Sois pas vénère. Ce n'est qu'un jeu. Mon petit bébé. James. James. James. James. James. James. James. James. James. Arrête de faire des boobies. James. Arrête de pisser quand tu ris. James. Arrête de me regarder avec cet air de lâche qui rit. James, c'est quand tu arrêtes de me regarder. James, arrête de me stresser. Toujours à te regarder. J'y vais, c'est je vais chier. J'y vais, c'est je vais échouer. C'est quand même le cochon dans la veste. Par le saint foudre de la nuit surgissant. Foutre Dieu. Foutre Dieu. Bordel de foutre. Bordel de Dieu. James. Si on avait voulu que tu chantes, on t'aurait demandé. James. Va faire une table. Ça sent le pâté. Ou on t'éclate, ça sent le pâté. James. Ça sent le pâté. Yeah, yeah, yeah. James. Ah oui, le pâté. Chut. Il y a du monde. James, tu veux te marier? C'est pas t'occuper de ton chat. C'est pas ça. Alors oublie. Oublie. Oublie. Oublie. Ne fais pas ça. Tu vas te faire mal, mon pauvre. Oublie. James, je te vois jouer. Concentré. Plus concentré. James. James. James. James. Oui. Oh, James. Je l'ai niqué. James. James. Tu t'excites.